Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 9. 6. Excès apparent de la compassion. Mais il y a entre la passion de Jésus et la compassion de Marie un autre point de ressemblance que nous ne devons pas passer sous silence. C'est l'excès apparent des douleurs de Marie sur celles de Jésus. Nous l'appelons apparent parce que nulle personne censée ne songerait à dire que les souffrances de Marie égalèrent celles de notre divin Sauveur. Mais la compassion, comme nous l'avons vu, est une œuvre divine, un mystère divin, et, comme la ressemblance dont nous venons de parler en est un trait incontestable, il faut qu'elle ait eu lieu à dessein. Dans une œuvre divine tout est remarquable, et tout ce que nous y remarquons est instructif, même lorsqu'il est au-dessus de notre pouvoir de l'expliquer. Ce fut dans le mystère conjoint de la compassion et de la passion, que la mère et le fils s'affligèrent l'un l'autre. Or, le pouvoir qu'avait Jésus d'accroître les afflictions de Marie surpassait le pouvoir qu'elle avait d'augmenter les siennes dans la même proportion que la beauté de l'un surpassait celle de l'autre. Ce fut pour la mère une chose plus terrible de voir son fils expirer sur la croix, que pour le fils de voir sa mère avec un cœur brisé au pied de la croix. Mais quand nous nous rappelons que Jésus était Dieu, et que la nature de tout l'amour de Marie pour lui venait de ce que Jésus était Dieu, les souffrances de la Sainte Vierge nous paraîtront encore plus disproportionnées avec les siennes, en raison de ce qu'elle était un vaisseau plus faible et moins capable d'endurer l'extrême agonie du calvaire. Nous devons nous rappeler aussi que la peine intérieure est plus grande que la peine extérieure, et que, comme Marie n'avait pas de passion visible comparable à celle de Jésus, la douleur de chaque peine et de chaque outrage extérieur de son fils devenait intérieure pour elle. Nous voyons en elle la contrepartie mentale de la passion. Elle était intérieurement flagellée, couronnée d'épines, dépouillée de ses vêtements, clouée à la croix. Elle mourait intérieurement. Tout ce qui était extérieur en Jésus était nécessairement intérieur en Marie. De même aussi quand la passion fut terminée, la compassion eut encore à subir au moins 3 heures, peut-être 6 d'agonie remplie de mystères effrayants. La crainte que les membres de Jésus ne fussent brisés, la blessure de la lance, la descente de croix, l'embaumement, la sépulture et la désolation, toutes ces douleurs crucifiaient le cœur de Marie pendant que Jésus répandait la lumière, la beauté et la gloire dans les abîmes des limbes, et était adoré par les congratulations de tous les patriarches, de tous les rois, de tous les prophètes des temps anciens. En outre, Marie restait après Jésus pour s'attrister pendant 15 années, et qu'était ce délai ? Sinon une prolongation pendant laquelle Marie devait, pendant plus de 2 fois 7 ans, continuer à supporter ce qu'il y avait de plus pénible dans chacune de ces 7 douleurs. Ces paroles sont faciles à écrire, mais quelle monte cachée d'héroïque patience, et quelle vie d'angoisse n'indique-t-elle pas? Et il y avait une pensée dans toute la scène du calvaire, que Marie seule pouvait avoir, pensée qui a dû régner dans son esprit d'une manière suprême, en lui inspirant une haine incroyable du péché, et en jetant sur la passion une lumière particulière, est difficile pour nous à concevoir. C'était la connaissance que Jésus payait en ce moment le prix de son immaculée conception, que la passion était pour la rédemption de Marie, et cela d'une manière si principale, que la passion avait lieu pour la rédemption de Marie plus que pour celle du reste du monde entier. Qui pourrait dire alors ce qu'était la passion pour l'œil de Marie? Markemdanarchive.org d'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.